Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, l'anarchiste, c'est un contrôleur de Nexo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Quelle journée. Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis Thierry Gallet, nous sommes à Blanquefort dans la radio RIG et dans vos oreilles, j'espère, soit sur le 90.7 si vous nous écoutez sur un poste FM, soit sur, via le www.rigfm.fr si vous nous écoutez sur le net, que ce soit dans Bordeaux ou en France ou en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, au Japon, aux États-Unis, n'importe où et peut-être même dans l'espace, on ne sait jamais. Bref, j'espère que tout va bien se passer. L'album de la semaine, nous en avons choisi un, c'est le Traveling Wilburys, donc George Harrison, le volume 3. Il serait dû à 4 puisque Roy Orbison est mort entre les deux albums, entre le premier qui s'appelait volume 1 et le deuxième qui s'appelle volume 2. Volume 3, pardon. Volontairement, justement, ils ont oublié le volume 2 parce que il était prêt à être enregistré avec Roy Orbison et, histoire de lui rendre hommage, ils ont sauté le volume 2. Voilà. Bon, pourquoi pas. C'était en 1990, cet album-là, en tout cas. Et nous écouterons le Wilbury Twist, également She's My Baby, également Inside Out, You Took My Breath Away, Where Were You Last Night, et Nobody's Child. Ça n'est pas toujours George Harrison qui chante, mais au moins il est là dans les chœurs et il a participé à l'enregistrement de cet album parce que c'était un super groupe avec plein de légendes et avec surtout l'idée de ne pas se prendre la tête, de ne pas avoir un ego énorme. Donc voilà. On écoutera également du Ringo Starr, Stardust. Et oui, je vous lis, il y a l'un d'entre vous, c'est Renaud, je crois, qui avait marqué qu'il adore cette chanson dans la semaine. Eh bien, j'ai modifié, là, à l'instant. J'ai enlevé la chanson que j'avais programmée, j'ai marqué Stardust à la place. On écoutera donc ça sur Sentimental Journée en 1970. Il y aura une chanson que je passe très rarement, I Don't Want to Be a Soldier Mama, de 1971 sur Imagine. C'est John Lennon. McCartney, ce sera Maybe I'm Amazed. Et pour les Beatles, Ask Me Why, sur l'album Please Please Me de 1963. On se retrouve sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Mais pour l'instant, attention au twist. Voici le Wilbury Twist, les Traveling Wilburys sur la RIG. Bonne soirée à vous toutes et tous. Just a room. Ball of Jack.

sacrée idée finalement que cet album-là, il était en avance Ringo Starr sur tous les autres, puisque même John Lennon, même Paul McCartney et bien d'autres le feront, Eric Clapton aussi le feront, mais bien après, pas en 1970, de reprendre des vieux standards comme ça. Et d'y arriver aussi bien, parce que là, la voix de Ringo Starr va très très bien au style. Et je voulais ajouter quelque chose, parce que je suis assez peiné par la mort de Terry Jones, un des Monty Python, qui était très copain, bien entendu, avec George Harrison. Pour parodier les Monty Python, je dirais « And now, for something completely different ». Oh, De loin, ça n'est pas ma chanson préférée de John Lennon. Néanmoins, c'était en 1971. Il faut remettre ça dans le contexte. À l'époque, d'abord, John Lennon n'était pas parti à l'armée parce que peu de temps avant, ils avaient dit l'armée, ça concerne encore ceux qui sont nés avant 1940. Pour le reste, l'armée n'est plus obligatoire en Angleterre. Yo, il était content, John Lennon, parce qu'il était prêt carrément à s'expatrier pour ne pas faire le service. Mais surtout, en 1971, c'était le Vietnam. Donc, faut remettre ça dans le contexte. Au niveau des États-Unis, certains se sentaient peut-être concernés par cette chanson-là. Ils n'avaient pas forcément envie de partir à la guerre. Bon, c'est comme ça. Et les seules fois où on a vu John Lennon avec des vêtements militaires, ça a été pour Sgt Pepper, par exemple. Et puis, un petit peu après, au début des années 70, quand il a voulu militer pour la paix. Mais sinon, donc jamais. Merci. Là, par contre, c'est du grand classique. Maybe I'm Amazed, Paul McCartney, le meilleur, sur RG. Des 23 minutes écoulées, nous avons écouté les Traveling Wilburys alias George Harrison, également Ringo Starr, John Lennon et Paul McCartney. Alors, avant d'écouter les Beatles, il me faut vous parler du meilleur site pour tout savoir sur les Beatles. C'est le site de Lovely Rita.

dire ce qu'on veut des premières années des Beatles. Moi, j'adore le côté harmonie vocale, le côté joyeux qui s'en dégage. Mais même plus tard, ça reste joyeux et ça reste extrêmement bien fait. Voici Lady Madonna sur RIG. RIG, c'est la radio des Beatles. Lady Madonna, children at your feet. Take a long

l'origine, c'est une chanson de Carl Perkins enregistrée en 1955 au Sun Studio de Memphis, dans le Tennessee. Et puis là, c'est la version 1964, quelle très belle année, des Beatles, et de Ringo en particulier, sur l'album Beatles for Sale. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Traveling Wilburys Volume 3. Volume 3 peut-être aussi. Avec une nouvelle chanson Inside Out, montez le volume, c'est du très bon Traveling Wilburys. Yes, indeed. Go for it. Hi, George. Morning, Terry. Hi, George. Morning, Terry. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go! Tombstones may break my bones, but names will never hurt me. Mama, she's... Check, check, check, check. Mama, she's... Mama, she's Das ist bitte. Ich mit ab. Mit Telefons. Wir kommen direkt zu British Journeys. Mit den Tank Machines. Watch it. Wie komm, wie komm. Vous êtes toujours là? L'humour british de Paul McCartney avec une chanson abracadabrante qu'il a dû faire au petit déjeuner comme ça. Rappelez-vous que pour 1980, pour cet album McCartney 2, le deuxième album solo réel, enfin, soi-disant en tout cas, de Paul McCartney, eh bien, il a tout fait tout seul. C'est ça surtout qui est important. Et donc, il a dû se lever, faire une rythmique, faire un petit truc et puis dire qu'est-ce qu'on veut mettre comme parole? Check my machine, ouais, allez, pourquoi pas. Ah, il y a une chambre d'écho, on va jouer avec. Voilà. Et il a fait ça, et puis sans trop se... Voilà. Mais il a fait beaucoup mieux, beaucoup plus tard. Par exemple, sur le dernier album en date, Egypt Station, il a fait celle-là. Parce que sur l'album, en fait, c'est même une chanson en plus. C'est Home Tonight, sortie cette année, en... Non, même l'année dernière, en 2019, sur RIG. I'm taking you home tonight. I wanna make sure that you're alright. Looks like a go. Taking you home. Taking you home. And I know just how you feel. And I know now what I have done. And I know that I'm guilty, yes I am. But I never could read your mind. Today épurée juste guitare-voix de cette chanson de John Lennon que vous pouvez retrouver sur la Lennon Anthologie de 1998 et même particulièrement sur un seul de ces trois ou quatre albums qu'il y a dans le coffret, je suis en train de le chercher. C'est sur l'Anthologie 2 New York City, c'est donc une prise alternative de cette chanson-là. Pour la suivante, nous allons revenir en cette très belle année de 1964 et l'album A Hard Day's Night, et je vais vous parler de Paul. L'amour de Paul pour le rock'n'roll ne l'a jamais poussé à mépriser la musique populaire qui l'avait précédée. Il adorait les grands orchestres des années 20 et 30 dans lesquels son père jouait les airs de music hall de l'ère victorienne que les invités chantaient autour du piano et les chansons des comédies musicales des années 40 et 50. Même à l'époque de Hambourg et du Cavern Club, Paul chantait Till There Was You, une chanson de The Music Man, une comédie musicale de 1957 créée à Broadway. Ce titre fut plus tard popularisé par Peggy Lee et repris par les Beatles sur With the Beatles. Cette reprise leur permit de réaliser très tôt que les ballades étaient un atout en concert, et Paul écrivit And I Love Her dans cet esprit, car c'est de cette chanson que l'on parle. John a dit de cette chanson qu'elle était le premier Yesterday de Paul. L'enregistrement de And I Love Her débuta en février 1964. Il s'agit du premier morceau entièrement acoustique des Beatles. Ringo joue des bongos. Dans le film, ils sont censés enregistrer pour un show télévisé. Un mois avant cette séance d'enregistrement, John Asher déclara à l'écrivain américain Michael Brown « Le problème avec Paul, c'est qu'il a besoin d'être adulé de moi et des fans. Il est vraiment égoïste, c'est son principal défaut. Il ne comprend pas que mes sentiments sont réels et que ceux des fans sont imaginaires. » Paul a déclaré depuis que « And I Love Her » ne s'adressait à personne en particulier. Mais il est difficile de croire qu'il ait écrit une chanson aussi tendre au début de sa liaison avec Jan Escher en pensant à une fille imaginaire. La voici, cette chanson sur R.I.G. I give her all my love, that's all I do. And if you saw love brings, she brings to me. retour à l'album de la semaine, rien de spécial à dire, c'est le volume 3, mais en réalité le deuxième album des Traveling Wilburys. Et le titre que je vous propose d'écouter, c'est « You Took My Breath Away » sur RIG. RIG, c'est 90.7. Nous sommes à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou en solo. Et même si eux déjà faisaient la reprise, par exemple, d'un Chuck Berry ou d'un Little Richard, ça devient une cover si quelqu'un de connu ou pas, ça peut être vous, reprend une chanson chantée par l'un des quatre, ou les quatre ensemble d'ailleurs, comme je l'ai dit. La semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus maintenant, je commence à confondre. C'est l'âge, qu'est-ce que vous voulez? Je vais programmer My Very Good Friend The Milkman et je n'avais pas pu passer la version d'Eric Clapton. Nous réparons immédiatement cette erreur, due au temps simplement, j'avais pas le temps de la passer, en la proposant comme cover Eric Clapton sur RIG dans cette chanson qui a été enregistrée en 2010 sur l'album qui s'appelle Clapton. C'est pas foulé. Voici la cover d'RIG et la cover surtout de la saga des Fab Four. My very good friend, the milkman, says that I've been losing too much sleep. He doesn't like the hours I keep, and he suggests that you should marry me. My very good friend, the milkman, says that it would make

I will say the only words I know that you'll understand. My mission. Nous sommes en 1965, Michel sur l'album Rubber Soul. Je vais vous faire un petit aveu, cette chanson je la programme rarement parce que je me dis, on l'a trop écoutée cette chanson-là. Et puis finalement quand je l'écoute, je me dis, elle est bien, on a eu tort de ne pas l'écouter plus souvent parce qu'elle est bien cette chanson. Donc voilà, c'était Michel et comme le dit Stella sur Facebook, on n'y coupera pas certainement fin mai lors du concert de Paul McCartney. Il pense que ça nous fait vraiment très très plaisir d'entendre cette chanson et de chanter Michel avec lui. Mais c'est vrai, ça nous fait vraiment très très plaisir d'entendre cette chanson et de chanter Michel avec lui. Ok, voici Ringo Starr sur RIG avec Waiting sur 90.7. J'avais déjà dit RIG, je ne vais pas le redire. Et sur www.rigfm.fr, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas dit. Time it goes, but it moves so slow when you're waiting. And it's not much fun when you let someone keep you waiting. But you've had me and you still got me wondering what you'll do till you find your way back to me. I'll be waiting. Votre curiosité, mais de quel album provient cette chanson-là? Je vais vous le dire, c'est de l'album, vous savez, de l'album country sorti en 1970, l'album Bocoups of Blues de Ringo Starr. Voilà, vous savez tout. Et si nous revenions à l'album de la semaine, l'album de la semaine, c'est les Traveling Wilburys, le volume 3 sorti en 1990, et il vous demande... Où est-ce que vous étiez la nuit dernière? Where were you last night? C'est sur RIG dans la saga des Fab Four. Where were you last night? You were so uptight. What did you do? It's just another day. Every day she takes a morning bath, she wets her head, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. Oh, it's just another day. Vous prendrez bien un petit bout de rock and roll. Voici John Lennon, Rock and Roll People. C'est extrait des sessions de l'album Rock and Roll, mais ça n'est paru que en 1986 sur l'album Main Love Avenue. John Lennon sur RG.

La version longue des Beatles. Thank you. said she'd never float. But one night when the moon was high, the great goose flew away. As we were sailing round the rocks, the mate took out his compass box. Said the wind is like a fox, but the great goose flew away. When out upon the open sea, the admiral, the mate and me, we were to face eternity, but the great goose flew away. Quelle voix, quel morceau à la fin de London Town en 1978. Allez, un dernier morceau avant de retrouver Johnny de A à Z et Eric et son invité. Voici Richard, alias Ringo Starr, et I'll Be Fine Anywhere sur l'album Vatican Man en 1998. You put me down, me, I can go anywhere. Well, I'm alone, but I'm alright. I'm on my own on a Saturday night. I don't know, honey, I don't care. I'll be fine anywhere. I'm doing alright. I'll be fine anywhere. next to me. Don't need no one to reminisce all of my memories. Well, I'm alone, but that's all right. Ce fut un réel plaisir de vous voir. Dans quelques secondes, il est là, Eric, pour Johnny de A à Z. À très bientôt. Salut, ciao.